Merci Marélène. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Rebut et détritus. Les archéologues fouillent-ils les poubelles? Mieux, fouillent-ils surtout des poubelles? Sans nul doute. La discipline n'a-t-elle pas une branche dénommée la garbage archéologie, l'archéologie des déchets? Mais il fallait toutefois vérifier. Aujourd'hui, le Salon Noir aura donc pour toute ruine quelques dépotoirs ou décharges. Ainsi, Alban Horry nous contera tout à l'heure ce que les Lyonnais jetèrent dans sa fouille, coincé entre périph et fortif de la capitale des Gaules. Quant aux frères Rostin, tous les deux excellent dans leur profession. Archéologue, directeur de recherche au CNRS, Stéphane exhume les grandes civilisations de l'Amérique tropicale, tandis que Pascal, ami ou ennemi des stars et célébrités, grand dénicheur de scoop, est désormais l'incontournable paparazzi français. Pour en savoir plus sur l'archéologie du détritus, je me suis rendu entre Avenue Montaigne et Rue Bayard, dans le Triangle d'Or de Paris, au rez-de-chaussée d'un duplex donnant sur un charmant jardin. Les frères Rostin étaient déjà réunis. Il est 11h, seul l'un d'eux fume un énorme cigare. Pascal Rostin, vous êtes un grand chasseur, le paparazzo, parfois vu comme un prédateur carnassier. Mais il vous arriverait aussi de faire les poubelles? Ouais, ça a une certaine logique. C'est-à-dire qu'à force de fouiller dans la vie privée des gens, on s'est dit à un moment donné, pourquoi pas aller voir ce qu'ils consomment et essayer de découvrir leur ADN. Et en fait, c'est assez comique. C'est-à-dire que tout a commencé par un article dans Le Monde d'un prof de sociologie de Montpellier en 88 qui avait fait une étude sur la société de consommation en France. Et pour ce faire, il avait demandé à ses étudiants de collecter les poubelles de 10 familles françaises pendant un an. Et il expliquait, dans ce petit article, il dit, c'est très intéressant, on voit vraiment la personnalité des gens, on voit vraiment qui vous êtes à travers votre poubelle, tout simplement parce qu'on voit ce que tu manges, ce que tu bois, si tu fumes, ce que tu bouquines, si tu as des enfants, si tu as des animaux. Et à l'époque, moi, je passais ma vie avec Serge Gainsbourg. Je faisais toutes les photos de Serge. Et quelques mois plus tard, on rentre chez lui, rue de Verneuil. Et Serge n'avait évidemment jamais les clés de sa maison. Il sonnait, parce qu'il les perdait tout le temps, et c'est Fulbert, son maître d'hôtel, qui venait ouvrir. Et ce jour-là, il nous ouvre la porte, et en ouvrant la porte, il sort les poubelles. Et là, j'ai mes deux neurones qui se connectent, et je dis à Serge, tiens, je prends tes poubelles. Alors, il me dit, oh, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il n'était pas trop d'accord. Donc, ça a été le seul qui a été prévenu qu'on allait prendre ses poubelles. On arrive au studio avec Bruno Mouron, mon associé, et pour les sacraliser, on les étale sur un fond de velours noir comme des bijoux, de façon assez taxidermiste. C'était une telle caricature de Serge. Les paquets de clopes, ces bouteilles d'alcool bien connues, c'était tellement caricatural qu'on a hésité à continuer. On s'est dit, les gens vont penser qu'on l'a imaginé tellement c'est caricatural. Et après, on avait plusieurs questionnements assez intéressants. Est-ce qu'on leur demande l'autorisation? Surtout pas, ils vont organiser, ils vont lisser leur image. Il faut des gens avec des hôtels particuliers ou des maisons, sinon ça fonctionne pas, sinon c'est mélangé dans l'immeuble. Et donc, on s'était intéressé à collecter Brigitte Bardot, Yannick Noah, Dutronc, Gainsbourg, Depardieu, on avait fait Georges Marchais, Jean-Marie Le Pen, enfin on avait vraiment fait un spectre assez large des célébrités françaises, et on publie ça dans notre petite gazette, Paris Match, et on a un patron qui s'appelle Daniel Filippaki, et Daniel Filippaki est le plus gros collectionneur au monde des surréalistes. Et il me dit, ce que vous faites, c'est incroyable, c'est Marcel Duchamp, c'est Spoerry, c'est Andy Warhol. Nous on lui dit, non, Daniel, juste on a ramassé les poubelles, et il nous dit, allez le faire à Los Angeles. Et donc à Los Angeles, c'est juste incroyable parce que on récolte Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Madonna, Sharon Stone, jusqu'au jour où on réussit à récupérer les poubelles du président des États-Unis d'Amérique, Ronald Reagan. Et ils ont tous des broyeurs aux États-Unis, sauf dans celle du président des États-Unis qui habitait à Bel Air. Et dans la poubelle du président, chose incroyable, on trouve des papiers en tête, United States Secret Service, le nom des gardes du corps, des papiers White House, des choses tellement incroyable que du coup, à chaque fois qu'on faisait ce genre de récolte, c'était publié dans une presse haut de gamme et dans les journaux du monde entier. N'y a-t-il pas dans ces compositions, les compositions que vous faites sur une sorte de grande toile noire, la précision de l'entomologiste qui épingle ses proies un peu comme une sorte d'herbier ? Je sais pas, c'est très très très intime. C'est tellement intime que pour les célébrités, on avait décidé d'écarter tout ce qui avait une connotation médicale ou sexuelle. Le principe étant pas de faire un scandale, mais vraiment de faire un portrait. Moi, j'ai fait beaucoup de photos de Jack Nicholson. Je l'ai vu il y a 2-3 ans à Paris. Il m'a dit, le plus beau portrait que tu aies fait de moi, c'est, évidemment, c'est ma poubelle. Vous avez raison, mais d'un autre côté, c'est encore plus intime qu'on peut imaginer. On rentre dans le tube digestif des gens. On peut pas aller plus loin dans l'intime qu'en analysant les déchets d'une famille ou d'une personnalité. Alors prenons l'exemple de Jack Nicholson. Parmi les rebuts, énormément de lettres et des lettres d'admiratrices. Ah bah oui, c'est toujours aussi caricatural. C'est-à-dire c'est des filles qui proposent leur mère, des grand-mères qui proposent leur petite-fille, des grand-mères qui se proposent elles-mêmes. C'est vraiment le séducteur. Mais on a appris à cette occasion qu'il aimait bien les champagnes et les vins français, qu'il était un grand amateur, ce que je ne savais pas, d'art contemporain. Voilà, on apprend vraiment des choses. Au départ, c'est un sujet journalistique. C'est fait pour les médias. Et ça s'est transformé petit à petit, step by step, en quelque chose qui ont intéressé les archéologues, les rudologues, évidemment mon petit frère qui m'a dit « Mais c'est incroyable ce que tu fais, c'est mon boulot ». Je dis « Pourquoi ?» Mais il me dit « Imagine qu'on ait la poubelle de Jules César, de Napoléon ». Il dit « Si moi j'avais la photo de la poubelle d'une famille maya ou inca, ce serait extraordinaire ». Donc c'est vrai que ça nous a un petit peu échappé et que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus artistique grâce à notre rencontre avec l'artiste Armand. Vous avez fait aussi les poubelles d'artistes, Damien Hirsch, Sophie Calle. Sophie Calle, d'ailleurs, qui s'intéresse à l'archéologie. Est-ce que vous ne faites pas une œuvre d'art d'artiste? On y a pensé tout simplement parce que mon associé, qui est un gros, gros collectionneur, qui est un gros connaisseur du pop art, design et tout ça, et qui passe sa vie dans les foires d'art contemporain, quand je racontais cette histoire de la même façon que je vous la raconte aujourd'hui, me dit « Arrête de faire ton crâneur, on n'a rien inventé. Armand, en 63, avait fait les poubelles de Yves Klein, Andy Warhol. » Et il y a 15 ans, on descend avec Bruno chez lui à Saint-Paul-de-Vence, et il me dit, on fait comment? Je dis, bah écoute, je sais pas, on fait 50-50. Poubelle d'Armand, c'est quand même... Et malheureusement, il a rendu l'antenne entre-temps, et pour rendre hommage à Armand, c'est vrai qu'on a décidé de s'intéresser au monde de l'art, donc on a fait les poubelles de Jeff Koons, de Damien Hirst, de Louise Bourgeois, de Rauschenberg, de Anish Kapoor, on en a fait une vingtaine de Soulages, de Buren, mais aussi de Monsieur Arnaud et de Monsieur Pinault, parce que ils se targuent d'être des grands spécialistes avec leur musée, leur fondation d'art contemporain. Et donc c'est quelque chose qui intéresse le monde de l'art, qui intéresse les musées. Est-ce que c'est considéré comme de l'art? Je sais pas. Le consuming art, c'est pas quelque chose de nouveau. En tout cas, la façon dont nous l'avons réalisé, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Et en tout cas, je peux vous assurer que ça intéresse beaucoup, beaucoup de collectionneurs. Stéphane Rostin, vous êtes donc archéologue, directeur de recherche au CNRS. Les poubelles, c'est votre quotidien? Oui, un petit peu le quotidien de tout archéologue, c'est la poubelle en premier lieu, parce qu'en effet, ça révèle des choses intimes et ça révèle peut-être de façon exemplaire la vie de nos ancêtres. Il existe une expérience tout à fait unique dans les années 70 qui a lancé cette archéologie des poubelles, ce qu'on appelle la « garbage archaeology ». Ça a été lancé, oui, dans les années 70 à Tucson, sur une idée assez géniale. C'était de collecter pendant un an des poubelles dans différents quartiers et de les interpréter. Et de là, essayer de comparer avec la réalité historique du moment qu'on pouvait suivre. Et le professeur Radje qui a fait ça s'est rendu compte que les poubelles mentaient. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'interprétation n'est pas si évidente. Un exemple tout simple, ils avaient à un moment trouvé beaucoup de produits avariés, de la viande et des différents produits alimentaires avariés. Et ils avaient interprété logiquement que c'était une période d'expansion économique, de richesse, où on gaspillait facilement. Et la réalité a montré qu'ils étaient en réalité en moment de crise. Et donc les gens avaient, par peur de cette crise, avaient emmagasiné de la nourriture et trop de nourriture qu'ils avaient dû jeter après. Donc les évidences, la logique, le sens commun sont des choses dont il faut se méfier. Et c'est peut-être cette expérience que j'ai appris à mes débuts dans l'archéologie qui m'a poussé à faire une expérience un peu comparable par opportunité en Amazonie, puisque je travaille essentiellement en Amazonie. Un jour, je vais visiter des amis amérindiens dans leur village et je m'aperçois que le village est vide, vidé. Ils étaient partis un peu plus loin. J'étais en fin de thèse. C'est peut-être une bonne opportunité de vérifier si tout ce que j'ai dit dans ma thèse est vrai, est possible ou vrai. Et j'ai fait donc une fouille classique dans le village. J'ai relevé les trous de poteaux. J'ai relevé tous les détritus qu'on trouvait. Et j'ai interprété. Et je suis allé chercher après le capitaine du village, le chef du village. Et j'ai vérifié mes interprétations. J'avais faux pratiquement sur tout. Je m'étais trompé en suivant le sens commun, je m'étais trompé à peu près dans tout. Et comme c'est une expérience que j'ai faite en fin de thèse, que je n'ai pas publiée à l'époque, ça m'a permis de relativiser un peu les interprétations archéologiques par la suite. Pascal Rostin, qu'est-ce que révèlent les poubelles de stars du temps présent? Leur vrai visage, l'humanité derrière leurs paillettes? On peut même les reconnaître, c'est-à-dire qu'elles sont tellement caricaturales que si je vous montre celle de Brigitte Bardot, vous allez trouver un nombre d'aliments pour animaux incroyables. Celle de Gainsbourg, on en parlait tout à l'heure. Celle de Jean-Marie Le Pen, il laisse un message à son boy en disant « cire mes pompes ». En fait, je veux dire, c'est plus que caricatural. Donc, c'est pas seulement sur la consommation, c'est également sur leur façon de lire, d'écrire, sur ce qu'on peut pas faire, à mon sens, en tous les cas, en ce qui concerne les célébrités, un plus beau portrait que la façon dont nous l'avons photographié. Vous avez fait de toutes ces poubelles une œuvre. Est-ce de la photo, de l'archéologie, voire de l'art, après Armand ou Spoerry, un art post-nouveau réaliste? Je ne sais pas, parce qu'on ne l'a pas fait au départ pour ça. Il se trouve qu'on a été rattrapé par ce travail et que des musées dans le monde entier nous ont demandé d'exposer ce travail. Alors en France, on a fait plusieurs fois la Maison européenne de la photo, le Palais de Tokyo, on a fait le Centre Pompidou, mais ça a surtout été exposé à Genève, à New York, à Singapour, à Moscou, à Taïwan, ça a été exposé dans le monde entier. Et à chaque fois, c'est assez curieux de voir les réactions du public, parce que on peut étudier les réactions des gens. Les réactions des gens, il y a trois lectures. Il y a quelque chose d'assez esthétique, assez consuming art, un peu inspiré de la fameuse Campbell Soup Cans d'Andy Warhol. Donc les gens regardent ça, et puis après ils s'approchent. Il y a une deuxième lecture, c'est un reflet sur sa propre consommation. Parce que vous appelez Jack Nicholson ou Pascal Rostin, la canette de cette fameuse boisson gazeuse américaine, c'est la même pour tout le monde. Et après, il passe un temps incroyable à regarder les détails. Alors là, c'est vraiment le petit trou de la serrure. Et c'est quelque chose... Moi, j'ai même essayé de provoquer de temps en temps certains spectateurs de ces expositions en disant « Ouais, mais enfin quand même, vous rendez compte, ils vont fouiller les poubelles. » Et les gens vous disent « Non, non, non, c'est vachement intéressant. » Et ils ne sortent pas totalement indemnes de ces visites parce que ça les fait réfléchir sur leur consommation et sur leur façon de traiter les déchets. Vous savez, la Terre produit chaque année 4 000 milliards de tonnes de déchets dont seulement un quart est recyclé. Donc c'est quelque chose qui est évidemment important. Et d'ailleurs, après que Stéphane m'ait parlé de cette comparaison entre son travail et le nôtre, on a reçu la visite d'une femme qui est géniale, qui s'appelle Yamna Djellouli, qui est la présidente de l'Université du Maine en sociologie et rudologie. Alors je fais mon crâneur, évidemment je ne savais pas ce que voulait dire le mot rudologie. Ça vient du grec rudos ou du latin rudus, les décombres, les déchets. Et ça paraît curieux, pourquoi on étudie les déchets à l'université? On va dire que ça génère, j'ai expliqué le nombre de milliards de tonnes chaque année, mais ça génère des emplois dans des toutes petites sociétés, genre Veolia, Suez Environnement. C'est évidemment quelque chose de très très intéressant. Et on est parti dans un trip complètement dingue, à partir de ce moment-là, de faire la première étude à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire de la mondialisation, en faisant maintenant les poubelles de 50 familles, anonyme dans 50 pays, donc on a déjà fait la Russie, la Chine, le Japon, le Qatar, l'île Maurice, le Cameroun, le Togo, l'Algérie, la Polynésie, enfin on en a déjà fait à peu près la moitié, et en fait on se rend compte de l'effacement des identités culturelles d'un pays à travers la poubelle d'une famille ordinaire. Pour caricaturer, on va retrouver évidemment cette marque de hamburger américaine, cette boisson gazeuse américaine, mais alors cocorico, on trouve également beaucoup de produits français et une eau minérale française qu'on trouve systématiquement dans beaucoup de pays. Vous avez aussi étudié dans un même quartier le côté riche et pauvre? Oui, on l'a fait à Moscou, on l'a fait à Paris, on a fait un hôtel particulier à Neuilly et on a fait une maison du village de l'Espoir à Vitry-sur-Seine. Et évidemment, ce n'est pas la même lecture. À Moscou, on a fait une maison vraiment dans la banlieue de Moscou de quelqu'un d'assez ordinaire, et on a fait quelqu'un de très très riche. Et c'est vrai que c'est incroyable. Alors, il y a des choses qui se rapprochent, mais nous, on n'analyse pas. Hein. Nous, c'est l'idée qu'on a eue. Après, il y a des gens très intelligents, des gens du CNRS, des gens comme vous, des archéologues, des rudologues, qui font le travail à notre place. Nous, on vous fournit de quoi travailler. C'est quand même pas mal. Enfin, chez les uns, on lit les grands quotidiens. Chez les autres, on lit la presse gratuite. Bien sûr. Chez les uns, on boit de l'eau. Et chez les autres, on plie les canettes. Ah oui, ça, c'est assez drôle, d'ailleurs. Oui, mais je pense que plus ça va, plus les gens prennent conscience, avec ces reportages, avec ces films, ce film qui s'appelle Demain, qui est extraordinaire, sur pas seulement la façon de consommer, mais avec le bilan carbone des produits aussi, des produits qu'on essaye de faire venir le moins loin possible, enfin, dans nos régions, et de plus en plus, même de grandes marques de supermarchés s'intéressent, ils n'ont pas le choix, parce que les consommateurs s'intéressent également au bilan carbone de ce qu'ils consomment, et après, leur façon de recycler ou pas, en tous les cas, de rejeter ce qu'ils ont consommé. La place de l'alcool, la place de l'eau, Mick Jagger, par exemple, boit essentiellement de l'eau. Cocorico, il boit une eau française, mais il en boit... Alors lui, je ne sais pas s'il est très très écolo. Il fabrique son pain, il y a 5 ou 6 produits pour fabriquer son propre pain. Il a beaucoup de produits bio, alors ils disent pas bio, ils disent organique, aux États-Unis et en Angleterre. Mais à côté de ça, il boit des petites bouteilles d'eau de 33 centilitres, il en boit une gorgée, il la jette. Donc ce n'est pas non plus très très écolo. On disait que Madonna ou Sharon Stone prenaient des bains de cette eau minérale française. En fait, pas du tout. C'est le fantasme. Nous, on est dans la vérification, on est dans le réel, on est dans le concret. Pascal Grostin, pourquoi n'avez-vous pas fait une anthropologie de certains corps de métier? La police, la justice, le monde ecclésiastique? C'est marrant cette question parce que, justement, nous venons de faire la poubelle de Dieu. C'est-à-dire qu'on a fait un curé, un imam, un rabbin. Des idées, on en a tous les jours. Mon associé bosse depuis 2 ans sur les poubelles de l'espace, par exemple. Poubelle de l'espace, il y a une station habitée, donc ils consomment, donc ils créent des déchets. Au moment de la COP21, Paris Match, nous avons offert à chaque président la poubelle de la mer. C'est-à-dire que sur une plage près de chez nous en Bretagne, sur la presqu'île de Crozon, j'ai récupéré ce qui arrive en une grande marée. Et c'est assez esthétique, mais c'est aussi assez effrayant, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui ne se dégradent pas, qui ne sont pas biodégradables et qui, évidemment, pollue les océans. On parle de ce fameux 6e continent de déchets. Le problème, c'est qu'il n'est pas visible parce qu'il est 1 mètre sous la surface de l'eau. C'est bien de participer à un moment donné à quelque chose qui éveille les consciences. Et c'est vrai qu'à travers nos expositions, nous avons eu beaucoup de témoignages de gens. Ça les a fait réfléchir et leur façon de consommer et surtout de rejeter est aujourd'hui totalement différente. Il y a cette Française qui vit en Californie, qui fait 0 déchet par an, c'est génial aussi, sa façon de consommer, de produire, je crois qu'elle produit une bouteille de 2 litres de déchets par an. Donc c'est quelque chose qui est important, parce que c'est vrai que la Terre devient une véritable poubelle. Il y a cet atoll aux Maldives qui est devenu une décharge. C'est-à-dire que toutes les îles des Maldives ont dit « Allez, on prend cet atoll et on en fait une décharge ». Les poubelles d'aujourd'hui seront aussi sûrement des trésors pour les archéologues de demain. Merci beaucoup. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, nous explorons les poubelles du passé. Alban Horry, bonjour, vous êtes archéologue à l'INRAP, en ligne de votre bureau de Lyon. Les grandes civilisations ont-elles laissé plus de déchets que les autres? Oui, on peut dire que les grandes civilisations, mais on va dire en chronologie, plus on avance dans le temps, plus elles laissent des déchets. C'est-à-dire que je pense que nos civilisations contemporaines laissent encore plus de déchets que les civilisations des périodes modernes ou médiévales. Vous venez de fouiller une gigantesque décharge à Vénissieux. Cela a-t-il du sens pour l'archéologue que vous êtes? Alors, pour moi, ça a beaucoup de sens parce que ça fait partie d'un, on va dire, entre guillemets, d'un processus de travail que j'ai mis en place depuis quelques années, de travailler sur les sur les dépôts et les rejets domestiques depuis le début de la période moderne jusqu'au XIXe siècle. Et là, j'ai eu la chance d'avoir à étudier un dépotoir qui date des 20 premières années du XXe siècle, avec énormément de choses plus anciennes à l'intérieur, et qui permet de faire une véritable ouverture sur de nouvelles données. Ce n'est pas un peu trop tardif pour les archéologues ? Pour certains, je pense, ça doit être extrêmement tardif, mais vous savez, pour certains, l'époque carolingienne est tardive déjà. Donc je pense que l'intérêt de la chose, c'est que c'est une des premières fois, en tout cas, on doit être la deuxième ou la troisième occurrence de fouille d'un contexte de décharge ou de dépotoir domestique pour la période contemporaine et qui a été de plus prescrit par le service régional de l'archéologie de Lyon face à l'importance de la documentation que pouvait livrer ce dépotoir. Car c'était bien sûr une fouille de sauvetage. Comment se présentait cette décharge ? J'imagine que vous dites plutôt un dépôt intentionnel céramique ? Alors cette décharge, elle était en fait, elle était contenue à l'intérieur du comblement d'un fossé défensif qui a été édifié à l'extrême fin du 19e dans les années 1885-86, qui correspond aux fortifications du système serré de rivière qui a été mis en place à la suite des guerres franco-prussiennes. Et donc ce fossé a été progressivement comblé à partir des années 25-30. Pour répondre au projet de construction du boulevard périphérique autour de la ville de Lyon. Tout était mélangé ? Alors justement, à l'intérieur de ce dépotoir, on a été extrêmement surpris dès l'approche de la fouille. On ne retrouvait que de la céramique, du verre et des huîtres et coquillages divers. Donc on s'est posé quelques petites questions quand même à ce niveau-là, puisque la plupart du temps, quand on fouille des dépotoirs pour les autres périodes, on retrouve forcément des déchets alimentaires via spécifique, du bœuf, beaucoup de déchets de tout type. Et là, on avait vraiment une impression de tri, ce qu'on a pu vérifier par rapport justement aux méthodes mises et appliquées par les hygiénistes à la fin du 19e, en particulier à la ville de Lyon, qui était précurseur dans ce domaine-là. On connaît le monsieur Poubelle de Lyon qui a inventé ce tri sélectif dans les années 20 ? Alors, le monsieur Poubelle de Lyon, ça date de l'époque à peu près d'Edouard Herriot. Et quand il a voulu mettre ça en application, il a reçu extrêmement d'animosité de la part des habitants de la ville de Lyon, qui ne voulaient pas se plier au tri. Il s'en est fallu de peu pour que les poubelles soient en fait des ériotes. C'est-à-dire que on disait souvent, on parlait d'ériotes parce que justement, la population était relativement opposée au fait de faire du tri. On sait que dans les textes, les concierges se sont opposés, les propriétaires d'appartements parce que ça demandait, et même les chiffonniers qui avaient peur de voir leur profession perdre de l'importance. Comment ça se fouille une grande poubelle comme ça ? Ben, l'avantage de l'opération qui a été organisée avec ma direction INRAP Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, c'était de choisir quand même une équipe qui était habituée au mobilier archéologique. Donc moi je suis céramologue, et mon autre collègue avec qui j'ai travaillé, Stéphane Brouillot, travaillait sur le verre. Et donc il a fallu très rapidement réfléchir à réaliser un échantillon en concertation avec le service régional de l'archéologie, parce que forcément, dans la prescription, on nous avait signalé qu'il fallait tout ramasser. Quand on a vu l'ampleur des dégâts, avec 400 mètres carrés de surface sur 3,50 mètres de profondeur, ce qui correspond à peu près, on va dire, à 16 000 mètres cubes de déchets, on savait forcément qu'on pouvait pas tout prélever. Donc on a fait un échantillon le plus objectif possible pour avoir un échantillon très représentatif du dépôt. Qu'avez-vous trouvé ? Je sais que vous avez trouvé déjà des bouteilles d'encre japonaises. Alors, les bouteilles d'encre japonaises, qui sont des bouteilles en grès, qui en grande partie sont fabriquées dans des usines de grès, enfin des manufactures de grès qui sont situées en Saône-et-Loire à Pont-des-Vernes, ont été retrouvées en grande quantité puisque ce sont des emballages et extrêmement bien conservés, puisque ce qu'on s'est aperçu aussi dans le dépotoir, c'est que les emballages, une fois que le contenu avait été vidé, ont été jetés comme ça entièrement, alors que la vaisselle domestique que l'on a retrouvée est la plupart du temps brisée puisqu'elle a été jetée, puisqu'elle était détériorée. Donc ces bouteilles d'encre japonaises appartiennent à une marque assez connue qui est dans la région parisienne, à Courbevoie, je crois, et qui a eu apparemment un grand succès sur toute la France. Que l'on retrouve, je crois aussi, d'ailleurs, souvent dans, sur les fouilles au Québec, par exemple. J'ai quelques exemples de collègues qui ont trouvé ça aussi au Canada. Les terrines de foie gras seraient assez tardives dans votre échantillonnage ? Alors, les petites terrines de foie gras que l'on a retrouvées, qui sont une fabrication... Alors, au départ, le contenant, en fait, hein, est fabriqué à Sarreguemines, dans l'est de la France. Dans les années 1900, à partir de 1922, à peu près... on a retrouvé ça par rapport aux marques qui sont localisées sous les terrines. Et ce sont des terrines qui servaient à contenir du foie gras alsacien ou des pâtés, et qui apparemment, vu les tailles, devaient être plutôt des objets destinés peut-être à être servis dans les diverses brasseries ou restaurants de la région. Est-ce qu'il y a des objets qui ont été réutilisés ? On n'a pas franchement l'impression, contrairement par exemple à la période moderne sur laquelle je travaille aussi, où on voit souvent les pièces qui ont été restaurées, par exemple les assiettes qui ont été agrafées. Alors là, bon, forcément, on est dans une période où les agrafes sont forcément certainement remplacées par de la colle, mais on n'a pas vraiment l'impression de réutilisation des objets. Une fois que l'objet a été vidé de son contenu, par exemple comme les pots à moutarde, on jette tout à l'intérieur du dépotoir. Vous avez trouvé des objets typiques de cette époque, les pyrogènes en porcelaine ? Alors oui, alors les pyrogènes sont un des aspects intéressants du dépotoir, puisqu'en fait c'est quelque chose qui a été utilisé sur une période finalement assez courte, entre la fin du 19e et le tout début du 20e, et qui vont disparaître progressivement à l'apparition des briquets à gaz. Et qui en fait sont des objets que l'on retrouve sur toutes les tables de brasserie ou de bistrot de la région et de France, hein, et qu'on retrouve d'ailleurs assez souvent. Il y a même des peintres spécifiques qui ont représenté des scènes de bistrot où on voit des pyrogènes. On a même une très belle photo de Verlaine ou de Rimbaud, j'ai mangé je sais plus lequel des deux, avec son pyrogène à côté et en train de boire son absinthe. Donc c'est vraiment un objet qui est typique de cette période-là et qui est en lien avec l'essor des débits de boissons à la fin du 19e siècle, en particulier à Lyon. Et ça servait bien sûr à gratter une allumette, du moins voilà, l'enflammer. Exactement. Vous avez aussi une belle vue de Lyon ? Oui, alors le petit tesson, on va dire le petit tesson anecdotique que l'on a pu retrouver à l'intérieur du dépotoir, est un fragment de pichet sur lequel on a une vue de Lyon à la fin du 19e, qui représente, on voit très très bien, la cathédrale Saint-Jean, le palais de justice et au fond la basilique de Fourvière, et qui finalement constitue vraiment un morceau choisi à l'intérieur de ce dépotoir où on a extrait, moi ce que j'ai comptabilisé maintenant à la fin de ma phase de rapport de fouille, plus de 35 à 40 000 tessons de céramique. Alban Horry, ce dépotoir a été créé entre 1927 et 1930. Pouvez-vous préciser la chronologie de cette céramique mise au rebut ? Alors l'intérêt de ce dépotoir, il a bien sûr, il y a une date bien précise que l'on connaît par rapport au texte et par rapport au contexte, on va dire, lui-même. Mais en revanche, plus de 80%, je pense, de la céramique appartient à une période qui va de 1850 à peu près jusqu'à 1910 et qui correspond vraiment à... un phénomène récurrent et que l'on a chez nous aussi, c'est-à-dire on garde chez soi les vaisselles anciennes et on finit par les jeter quand elles se cassent. Parfois on les restaure et la majorité de ce dépotoir nous permet vraiment d'avoir une vision extrêmement étendue sur quand même près de 40 ans de voire même un petit peu plus de vie quotidienne et de culture matérielle dans la ville de Lyon et à proximité, puisque l'essentiel du remplissage du dépotoir provient de commerces lyonnais, d'habitat certainement de la ville de Lyon et pas forcément du village de Vénissieux qui à l'époque n'était pas encore très important. Alban Horry, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que Pascal Rostin a publié un livre, Autopsie, publié à La Martinière, que Pascal et Stéphane Rostin viennent de faire paraître un article dans la revue Les Dossiers de l'Archéologie.